الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 94 dans le sharh de Kitab al-Tawhid du petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on était arrivé à l'explication du hadith de Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, et on avait expliqué au dernier cours le hadith avec les explications du Cheikh al-Fawzan hafidhahullah. Et donc on est arrivé maintenant à l'explication de la parole de du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il dit wa qawluhu an Abi Waqid wa huwa sahabiyyun mashhur مات سنة 68 وله 85 سنة قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك. Donc Cheikh Abd al-Rahman رحمه الله il explique que Abu Waqid al-Laythi رحمه الله radiyallahu anhu, c'est un sahabi qui est connu, qui est mort en l'an 68 de la Hijra, et qui est mort à l'âge de 85 ans. Donc il est mort en l'an 68, et l'âge qu'il avait au moment de sa mort, c'était 85 ans. Et il dit dans le hadith, nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il fait allusion au fait que ils étaient nouveaux dans l'islam, ils venaient de quitter la mécréance. C'est pour ça qu'il dit après wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufr. Donc c'est-à-dire que les gens de la Mecque qui venaient juste de, parce que c'est la bataille de Hunayn, dont on a parlé au dernier cours, ça s'est passé après la conquête de Mecca. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, on sait que tous les habitants de Mecca se sont convertis à l'islam. Ce qui fait qu'il y avait dans la bataille de Hunayn beaucoup de nouveaux convertis. Et parmi ces nouveaux convertis, il y en avait qui, peut-être qu'ils n'avaient pas encore, bien entendu, tout à fait compris, ou il n'avait pas encore appris correctement et en profondeur les règles du tawhid et les règles de l'islam. Alors c'est pour cette raison que Abu Waqid al-Layfi il explique, il mentionne justement que ils étaient rentrés dans l'islam que depuis quelque temps, d'accord. Et il ne connaissait pas encore bien la religion. Et le Cheikh Al-Fawzan, il mentionne ici en disant ça, à propos de ce point-là, il dit وَهَذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِأَنَّهُمْ مُتَفَقِّهُونَ فِي الدِّينِ وَتَقَدَّمَ إِسْلَامُهُمْ وَالْإِيمَانِ ثَابِتٌ فِي قُلُوبِهِمْ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا طَائِفَةٌ أَسْلَمَتْ جَدِيدًا وبسبب الجهل ظنوا أن هذا جائز. قال الشيخ وفي هذا دليل على أن الإنسان وهذه فائدة عظيمة إذا قال كلمة الكفر أو الشرك عن جهل ثم نبه فتركها أنها لا تضر أما إذا لم يتركها بعد البيان فإنه يكفر. ولأن هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بهذه المقالة لما بين لهم وتركوا هذا الشيء. وكذلك بنو إسرائيل لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا لما بين لهم موسى عليه السلام هذا الباطل كفوا عنه وتركوه. فالإنسان إذا فعل الشيء عن جهل أو قال الشيء عن جهل ثم بين له فتركه لله عز وجل لا يضره. هذا من العذر بالجهل، هذا من العذر بالجهل. لكن إذا بين له وبلغته الدعوة وقال هذا ما عليه الناس وما عليه أهل بلدي وجادل بالباطل، هذا يكفر والعياذ بالله. Donc ici, ça c'est un point extrêmement important que le cheikh il mentionne ici. Il dit que yani, l'exemple de la parole hein, que Abu Waqid al-Layfi a mentionné dans ce hadith, lorsqu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un arbre pour la baraka, pour chercher la bénédiction pour leurs armes et pour leurs épées et leurs arcs, hein, comme les mouchriquines. Le cheikh il explique que cette parole elle n'a pas été yani, prononcée par les sahaba qui étaient convertis depuis très longtemps, comme par exemple les muhajirines, ceux qui ont émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi, qui venaient de Mecca et qui ont émigré à Médine, de même qu'à l'Ansar, hein, ceux qui étaient convertis parmi les habitants de Médine et qui sont restés avec le messager sallallahu alayhi wa sallam pendant des années, hein, et qui ont appris avec lui la réalité du tawhid et de la signification de la ilaha illallah. Eh bien, eux, ils n'ont pas eu ce genre de propos. Ils n'ont pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce genre de requête. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà une bonne compréhension de l'islam. Et leur islam était déjà établi depuis longtemps. Ainsi que la foi, elle était ferme dans leur cœur. Donc, ils n'avaient pas de questionnement sur ces choses-là. Et donc, ce genre de questions ou ce genre de requêtes hein, de l'arbre de Dhat Anwat, ça a seulement eu lieu de la part d'un groupe hein, qui venait de se convertir, qui était nouveau hein, dans leur islam et qui n'avait pas encore bien eu le temps d'étudier ou de comprendre la réalité de l'islam encore. Donc, c'était encore frais pour eux, la religion. Ils n'avaient pas encore bien compris tous les petits détails, les aspects du tawhid et les choses comme il faut. Et donc, c'est une parole qu'ils ont prononcée par ignorance, en pensant que c'était permis de faire ce genre de requête. Et le cheikh, ici, il explique que ça, c'est la preuve qu'une personne, hein, et ça, c'est un point bénéfique très important, que lorsqu'une personne prononce une parole de kufr ou de shirk par ignorance, puis qu'ensuite on lui fait savoir et on l'informe que cette parole, c'est une parole de kufr ou de shirk, hein, ou que c'est haram et qu'il l'abandonne, hein, il délaisse cette chose, alors ça ne lui fait pas de tort. Hein, il ne va pas être affecté par la mécréance ou par le kufr. Tandis que s'il ne délaisse pas cette parole hein, ou cette action, après qu'on lui ait clarifié que c'était du kufr ou du shirk et qu'il persiste à vouloir le faire ou à vouloir le prononcer, à vouloir le dire, alors là, à ce moment-là, il va... Hein, on va considérer que la personne est tombée dans le kufr à ce moment-là, puisqu'elle persiste hein, de faire ou de dire cette chose après qu'on lui ait clarifié la vérité. Et donc, le cheikh, il explique que ceux qui étaient donc avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette requête hein, de Dhat Anwat, de leur désigner un arbre hein, pour leurs armes, eh bien... Le cheikh il explique qu'ils n'ont pas donc commis de kufr en ayant dit cette parole là puisque lorsqu'on leur a clarifié que ça c'était quelque chose qui n'était pas correct, que c'était kufr, ils ont tout de suite abandonné cette idée, ils ont tout de suite délaissé cette chose et ils n'ont pas persisté à vouloir le faire et par conséquent ils n'ont donc pas commis de mécréance. Et il dit que la même chose également pour les fils d'Israël lorsque ils ont demandé à Moussa alayhi salam de leur faire une divinité semblable à celle des mouchriquins, et que Moussa alayhi salam leur a dit qu'ils agissaient ou qu'ils disaient des paroles d'ignorance ou que c'était une parole d'ignorance, ils ont délaissé cet acte-là ou cette chose-là à ce moment-là, donc ils n'ont pas commis de kufr non plus. Donc, puisqu'ils ont délaissé ça et qu'ils se sont abstenus de le faire, eh bien, ils n'ont pas commis de kufr. Il dit donc, l'être humain, une personne quelconque, si elle fait un acte de kufr par ignorance, ou si elle dit une parole de kufr, ou une parole de shirk, par ignorance, puis qu'après on lui explique et on lui clarifie cette chose, puis qu'elle la délaisse et qu'elle cesse, alors dans ce cas-là, ça ne lui fera aucun tort. Hein? Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-udhru bil-jahl en arabe, c'est-à-dire l'excuse par l'ignorance. Et on voit que ça, c'est une parole claire à ce sujet-là de la part du Cheikh Al-Fawzan, qui réfute, bien évidemment, les Khawarij, et qui réfute également les Haddadiyah, qui, eux, croient que l'excuse de l'ignorance n'existe pas. Ils nient complètement qu'il puisse y avoir une excuse due à l'ignorance en islam. Donc ça, c'est une réfutation pour ces gens-là, parce que ce sont des gens extrémistes. Nasallallahu al-afiyah. Et donc le cheikh, il explique et il dit donc, toutefois, si on explique à ces gens-là la réalité des choses et qu'on leur clarifie, une fois que la da'wa leur a été faite et que la clarification leur a été donnée, et qu'ils commencent par la suite à vouloir justifier ce qu'ils font et chercher à débattre ou à argumenter pour essayer de supporter leurs actes ou leurs paroles de kufr, en disant par exemple ça c'est ce que les gens font, ou ça c'est ce que les gens de mon pays ont fait chez nous, dans mon pays c'est comme ça, et qu'il veut argumenter ou débattre pour supporter le faux, à ce moment-là, oui, on dit à cette personne, elle est dans le kufr. Parce qu'elle essaie de défendre le shirk et le kufr et de le justifier. Donc ça, donc cette personne-là, elle n'a pas d'excuse. Parce qu'elle essaie de défendre le faux. Toutefois, si elle accepte que ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, après qu'on lui ait clarifié, elle accepte que c'est pas correct, que c'est contraire à l'islam, que c'est du shirk et du kufr, et qu'elle cesse, à ce moment-là, on va pas considérer qu'elle est mécréante ou qu'elle a fait quelque chose qui est, qu'elle est tombée dans la mécréance ou dans l'idolâtrie ou le shirk. Naam. Ensuite, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, il dit, وَقَوْلُهُ إِلَى حُنَيْنِ وَهُوَ إِسْمُ وَادٍ بشرقي مكة معروف يعني قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا والوقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم وما جرى فيها من النصر وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم كما في الآية الكريمة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وقوله ونحن حدثاء عهد يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم إسلامه قوله. Donc on va s'arrêter ici, on va expliquer ce passage là. Le cheikh il explique donc que dans le hadith de Abu Waqid al-Layfi, il dit jusqu'à Hunayn, c'est-à-dire ils sont partis à Hunayn avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on a expliqué ça déjà, et que c'est une vallée qui est à l'est de la Mecque, hein, et qui est connue, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, hein, il a combattu la tribu de Hawazin à cet endroit. Comme Allah Azza wa Jal le mentionne, et il fait allusion à cette bataille dans le verset 25 dans Surat At-Tawbah, lorsqu'il dit « Et le jour de Hunayn, lorsque vous avez été éblouis par votre nombre, et que cela ne vous servit à rien, hein, et cela ne vous servit à rien, ne vous a rien donné. » En voulant dire ici clairement que c'est pas le nombre qui donne automatiquement la victoire. C'est-à-dire qu'on peut être un très grand nombre dans une armée et avoir un très grand nombre de combattants et de soldats, mais malgré tout, avoir une défaite. Malgré notre grand nombre, hein, même si on est beaucoup plus nombreux que notre ennemi. Pourquoi? À cause d'autres facteurs. Et sans oublier le fait que la victoire, elle ne vient que d'Allah. Et que c'est Allah qui donne la victoire. Et que pour mériter cette victoire de la part d'Allah, il faut avoir respecté les conditions nécessaires pour pouvoir l'obtenir. Et parmi les conditions nécessaires, d'avoir la foi et de faire les bonnes œuvres et de s'écarter des choses haram et de donner le secours à la cause d'Allah. Hein? Donc tout ça, c'est des causes pour que Allah Azza wa Jal nous donne la victoire. Tandis que si, lorsqu'on fait des péchés, lorsqu'on fait des bid'ah, lorsqu'on est divisé, lorsqu'on est loin de la sunna, hein, et lorsque, yani, on se détourne de l'ordre d'Allah et de la charia d'Allah, on ne peut pas avoir la victoire, même si on est un grand nombre. On ne peut pas avoir la victoire, même si on est un grand nombre, parce que la victoire, elle ne vient que d'Allah. Hein? وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Et il dit, إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ. Et si vous donnez la victoire à Allah, il va vous secourir. Et il dit, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Donc ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il donne la victoire à ceux qui viennent à son secours, c'est-à-dire au secours de sa religion. Et ça nécessite bien entendu de respecter et de suivre les règles et les conditions que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de respecter. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui disent pourquoi on n'est pas capable, par exemple, de battre les ennemis de l'islam qui ont usurpé, hein, des territoires de l'islam aux musulmans, alors qu'ils sont un tout petit nombre comparé au nombre de la Umma. Et si on regarde par exemple tous les pays musulmans réunis, hein, en commençant à partir de l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb, tous les pays du nord de l'Afrique, hein, qui sont des pays musulmans, ainsi que les pays du Golfe et du Moyen-Orient, ainsi que les pays de l'Asie, hein, et tous ces pays musulmans-là réunis ensemble, lorsqu'on regarde le nombre d'individus que ça comprend, hein, eh bien c'est à peu près, on dit, plus qu'un milliard de personnes. Parmi les musulmans, on dit 1 milliard de musulmans dans le monde, ou plus même. Alors comment ça se fait, avec ce nombre, qu'on n'est pas capable d'avoir la victoire sur un petit groupe parmi les êtres humains qui ont pris une partie parmi les territoires sacrés de l'islam, comme la Palestine? Bon, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir la victoire malgré notre grand nombre? Eh bien, c'est exactement ce que Allah Azza wa Jal, il nous fait comprendre dans ce verset, le verset 25, dans Surat At-Tawbah. Il dit, وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. C'est-à-dire que le nombre seulement, le nombre à lui seul, ça ne va pas suffire. Il faut qu'il y ait la foi. Il faut qu'il y ait l'iman. Il faut qu'il y ait l'aqida. Il faut qu'il y ait la sharia. Il faut qu'il y ait l'ijtima' ala al-haq. L'i'tisam bil-kitab wa sunna. L'i'tisam bi-hablillah. Wa-sam'i wa-ta'a. L'i'wulat umur al-muslimin. Il faut qu'il y ait l'écoute et l'obéissance aux dirigeants des musulmans et l'unité de la Ummah sur ses principes et ses fondements de la Sunna et de la Sharia. Sans ça, il n'y en aura pas de victoire. Peu importe le nombre qu'on ait, peu importe nos armées, peu importe notre force militaire, peu importe notre puissance militaire, notre force, tout ça, ça ne va rien changer. Ça ne va servir à rien. Si on ne se base pas sur le Coran et la Sunna et la Sharia. Si on ne revient pas à l'exemple de nos salafs. Nos salafs qui avaient la conviction que la terre appartient à Allah et qu'ils ont une mission sur cette terre et que cette mission, c'est d'établir et de propager et d'appeler l'humanité à la ilaha illallah. Et Muhammadun Rasulullah est de combattre toutes les formes et les manifestations de shirk qui existent sur terre jusqu'à ce que la religion n'appartienne qu'à Allah et qu'il n'y ait plus de shirk. Tant que les musulmans de notre époque n'ont pas compris ça, eh bien, ils peuvent continuer à tourner en rond et faire des manifestations et marcher dans la rue, et tirer des feux d'artifice. Ça va rien changer. Ça va rien, et c'est pas ça qui va changer. Donc, pour revenir au sujet du tawhid, parce que c'est justement le fondement qui nous est nécessaire pour justement avoir cette victoire tant attendue. Eh bien, de revenir à notre fondement et notre base la plus importante, de comprendre la base de cette religion qui est le tawhid et la signification de la ilaha illallah. Donc, cette bataille de Hunayn, c'est une bataille qui est célèbre. Et quand on regarde dans les livres des expéditions militaires et des différentes batailles qui ont eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on en parle dans plusieurs livres et dans les hadiths et dans le Coran, donc c'est quelque chose qui est connu. Et la victoire que les musulmans ont eue ce jour-là aussi, elle est connue, ainsi que les biens qu'ils ont pris dans cette bataille et les esclaves qu'ils ont fait, les prisonniers de guerre parmi les enfants et les femmes. Comme c'est mentionné dans le verset 26 dans surat At-Tawbah, qui est le verset qui suit. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. C'est-à-dire que ensuite Allah Azza wa Jal, il a fait descendre sa tranquillité et sa sérénité sur son messager ainsi que sur les croyants, et il a fait descendre des armées que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas vu, parmi les anges. Et il a châtié les mécréants. Et voilà la rétribution des mécréants. Donc ça, c'est pour expliquer que Allah Azza wa Jal, il a donné la victoire aux croyants. Malgré qu'au début de la bataille, ils ont failli avoir une défaite encore à cause de, justement, le fait qu'ils s'étaient reposés uniquement sur le nombre. Mais lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé les croyants à l'ordre, et ils se sont tous réunis encore une fois, et là, à ce moment-là, Allah azza wa jal leur a donné la victoire. Et il leur a donné en butin de guerre les biens, les femmes et les enfants des mouchriquins. Puis, la tribu de Hawazin qui s'est convertie à l'islam, hein, ils se sont tous convertis à l'islam et ils ont demandé qu'on leur remette leurs femmes, hein, et leurs enfants. Et ils ont accepté, les sahabas ont tous accepté, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné le choix. Est-ce que vous voulez leur rendre leur bien, hein? Et ils ont accepté. Alors, ils ont rendu, hein, ils leur ont rendu leurs femmes et leurs enfants. Et donc, ils ont été, ils ont apprécié ce geste de la part des sahabas, parce que les sahabas, ce ne sont pas des conquéreurs. Des conquérants, si on veut, des conquérants fiers et arrogants qui veulent uniquement les femmes et l'argent, hein, et faire couler le sang des hommes. Non, c'est pas ça l'objectif et c'est pas ça le but du djihad, c'est pas ça le but, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça le but, hein, de la umma, des musulmans. Le but, c'est d'appeler les hommes à la guidance, les hommes et les femmes, et de les appeler à la lumière de l'islam et à la liberté du tawhid et de la ilaha illallah. Hein? Et une fois que les hommes ont accepté ce message, il n'y a plus moyen de les transgresser contre eux ou de dire quoi que ce soit, hein? Ou de les combattre ou de les attaquer. Non, tant qu'ils respectent les conditions d'Allah et la religion d'Allah, ils sont protégés dans leur bien, dans leur sein, dans leur honneur, hein, sauf pour un des droits de l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clarifié. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique la suite du hadith, il dit, et nous étions, hein, Abu Waqid al-Layfi, il dit, nous étions nouveaux, hein, nous venions de quitter la mécréance. Il fait allusion ici aux habitants de la Mecque qui venaient de se convertir. Et c'est pour ça que ils n'avaient pas encore compris les détails du shirk. Hein? Il y a des aspects du shirk qui leur échappaient encore, comme c'est mentionné dans le hadith. Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, « فَفَعَلُوهُ عَنْ جَهْلٍ قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَ عَنْ جَهْلٍ وَظَنُّوهُ حَسَنًا وَلَكِنْ بحسن تصرفهم ولكن بحسن تصرفهم أنهم لم يقدموا عليه حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh, il dit, ils ont fait ça par ignorance et ils ont dit cette parole d'ignorance en pensant que c'était quelque chose de bien, mais ils ont eu raison et ils ont bien agi lorsqu'ils n'ont pas, justement, ils n'ont pas agi, ils ne sont pas passés à l'action, ils n'ont pas fait l'acte avant d'avoir demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous pouvons faire ça? Est-ce que tu pourrais nous désigner un arbre? Hein? Ils n'ont pas juste choisi eux-mêmes ou décidé eux-mêmes de le faire. Et ça montre leur respect des règles, du principe que lorsqu'on ne sait pas quelque chose, on ne fait pas quelque chose jusqu'à ce qu'on ait vérifié ou posé la question aux hommes de science. Hein? Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Donc ils ne vont pas ni procéder à l'acte, passer à l'acte et faire quelque chose qui a rapport avec la religion d'Allah avant de poser la question au messager d'Allah, à savoir, est-ce que ça c'est permis? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça c'est en accord avec l'islam? Est-ce que ça c'est acceptable pour les musulmans de faire ce genre de choses? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué le verdict et leur a clarifié, hein, le jugement à ce sujet. Ensuite, yani, le cheikh, il dit, بِخِلَافِ مَنْ تَقَدَّمَ إِسْلَامُ, c'est-à-dire, contrairement à ceux qui étaient déjà musulmans depuis longtemps, parmi les muhajirines et les ansars, eux, ils n'ont pas posé ce genre de questions. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé ce genre de choses au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savaient déjà que ça c'était du shirk et que c'était pas acceptable de faire ça. Tandis que ceux qui étaient tout nouveaux, qui venaient juste de se convertir, qui n'avaient pas encore bien compris tous les aspects de l'islam, ils avaient une excuse à cause de leur ignorance. Et le cheikh il dit ensuite wa qawluhu walil mushrikeena sidratun ya'kifuna 'indaha yani 'ibadatan laha wa ta'dhiman wa tabarrukan lima kanu ya'taqidunahu fiha min al baraka. Il dit et les mushrikoun, Abu Waqid al-Layth, il dit les mushrikoun, ils ont un arbre, une sorte d'arbre qu'ils avaient, et ils se tenaient devant cet arbre par adoration et par respect et pour chercher la bénédiction de cet arbre, en croyant que cet arbre était une source de bénédiction. Il dit ensuite wa qawluhu yuqalu laha dhat anwat yani huwa bi raf'i at-ta بِرَفْعِ التَّاءِ ذَاتُ أَنْوَاطٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَوْلُهُ يَنُوطُونَ بِهَا أَصْلِحَتَهُمْ أَيْ يُعَلِّقُونَهَا. C'est-à-dire qu'ils appelaient cet arbre, ils lui donnaient un nom à cet arbre, ou ils qualifiaient cet arbre de ذَاتُ أَنْوَاطٍ. ذَاتُ أَنْوَاطٍ, c'est-à-dire l'arbre sur lequel on accroche des choses. Et ils accrochaient leurs armes et leurs épées et leurs arcs et leurs flèches sur cet arbre, en pensant que c'était un moyen de bénir leurs armes. فَقَوْلُهُ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ أي لِلْمُشْرِكِينَ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. ظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لو جعل لهم ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة لمن اعتقدها فيها. يعني وأنواط جمع نوط, جمع نوط نوط, وهو مصدر سمي به المنوط, المنوط. وقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعظيما لله تعالى عن أن يجعل له شريكا في عبادته التي هي حقه على عباده, كما قال تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم, وهو الإخلاص والشرك ينافي ذلك, وتقدم معنى الحنيف. Donc ici le cheikh il explique, il dit que Abu Waqid al-Layth il mentionne ensuite qu'ils sont passés à côté d'un arbre, et cet arbre là c'était pas un arbre des mushrikins, c'était un arbre quelconque, de la même sorte que celle du type que les mushrikins utilisaient pour la baraka. Alors, ils ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu peux nous désigner cet arbre-là pour que ce soit un dhat anwat pour nous, les musulmans, comme celui des mushrikins, comme les mushrikins, eux, ils ont un arbre qu'ils appellent dhat anwat. Nous, on va en avoir un, mais pour les musulmans, c'est toi qui vas nous le désigner. C'est toi qui vas le choisir pour nous. Alors, ils ont pensé que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur désignait un arbre comme celui-là, que ça deviendrait licite et que ce serait permis pour eux de l'utiliser pour la baraka, pour celui qui croyait en ça. Et anwat, c'est le pluriel du mot nautun, et c'est le masdar duquel on appelle le almanout, c'est-à-dire qu'est-ce qui est attaché ou accroché. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite Allahu Akbar, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand et plus grand que tout. Et il dit ça, c'est une parole pour exalter Allah et montrer sa grandeur et le purifier de tout ce qui peut être yani attribué à Allah dans l'adoration ou autre, comme shirk dans l'adoration ou dans un de ses droits. Hein. Et le shirk, c'est la plus grande injustice que les hommes peuvent commettre, puisque c'est quelque chose qui contrevient au droit le plus important d'Allah, qui est le droit à l'adoration, le droit exclusif à l'adoration. Donc, ils pensaient que les mouchriquins, les gens pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur désignait un arbre comme celui-là, que ça ne serait pas en contradiction avec l'islam, puisque ce serait quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait choisi ou désigné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu Akbar, par respect pour Allah, puis pour exalter Allah et pour montrer que yani, il faut respecter le droit le plus important d'Allah, qui est le droit exclusif d'Allah à l'adoration. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, dans plusieurs versets, comme le verset 105 dans Surat Yunus, et établis ton visage dans la religion, pour la religion qui est la religion de l'adoration exclusive d'Allah et du rejet des idoles et de l'idolâtrie et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah comme forme de shirk. Donc établis et mets ton visage droit sur cette religion-là, c'est-à-dire purifie ton adoration pour Allah seul, et écarte ton visage de l'adoration de tout autre que Allah, et ne sois pas du nombre des mouchriquines, c'est-à-dire ne sois pas du nombre de ceux qui pratiquent le shirk. Et ça, c'est le verset 105 dans Surat Yunus. Et le verset 43 dans Surat Ar-Rum, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ الْقَيِّمِ, établis donc ton visage, mets ton visage sur la droiture de la religion de la droiture, c'est-à-dire yani l'ikhlas, le fait de purifier ta religion de toute forme de shirk qui vient en opposition avec le tawhid. Et c'est ça, on a déjà expliqué également la signification de al-hanif, qu'est-ce que ça signifie. Et le cheikh al-Fawzan, il fait quelques commentaires sur ces points-là. Il dit premièrement قوله شريكا في عبادته لأن طلب البركة يعني عبادة فإذا طلبت من غير أو طلبت من غير الله صارت شركا. العبادة يعني أنواع كثيرة ومنها طلب البركة واعتقاد جلب الخير ودفع الضر فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. Donc le Cheikh Al-Fawzan حفظه الله, il explique que yani, on n'a pas le droit de donner des partenaires à Allah dans son adoration et de chercher la bénédiction d'une créature, ou de chercher la bénédiction de quoi que ce soit, yani, et de croire que quelqu'un ou quelque chose est une source de bénédiction en dehors d'Allah. Donc si tu demandes la bénédiction d'autre que d'Allah, ça devient du shirk. Ça devient une forme de shirk. Il y a un livre yani, qui a été écrit à ce sujet. Et moi, yani, tous les frères qui comprennent ou qui savent lire l'arabe, je vous conseille grandement de retourner à cet ouvrage, à ce livre, parce qu'il est très bénéfique. Le titre du livre, c'est « Bara'atu Sahaba » الأخيار براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار. نعم. C'est un livre écrit par Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله. Et يعني c'est un livre vraiment bénéfique. C'est un livre vraiment bénéfique. Dans ce livre-là, il y a la réfutation des soufis et des chiites qui essaye de justifier les différentes formes de shirk qu'ils font et qu'ils pratiquent en essayant de ramener parfois certaines narrations attribuée aux Sahaba pour essayer de faire croire que de prendre ou de chercher la baraka des objets ou des choses, que ça c'est pas du shirk et que les Sahaba, yani, ils étaient d'accord avec ça. Donc le Cheikh Rabi, hafizahullah, il a écrit ce livre pour réfuter ces idées-là et réfuter ces fausses accusations et clarifier la réalité de ces choses et que c'est en accord avec le tawhid, hein. Donc je vous conseille franchement ce livre, il a une centaine de pages et il est disponible gratuitement sur le site même du Cheikh Rabi, hafizahullah. Yani, je vais vous partager le lien de ce livre, inshallah, je le mets justement là sur Twitter, comme ça vous pouvez yani, le retrouver facilement. Donc c'est ça, je viens de le poster là maintenant en même temps sur Twitter, comme ça vous pouvez avoir accès à ce livre très bénéfique sur le sujet. Et peut-être qu'on aura peut-être justement l'occasion de lire ce livre-là ensemble, Inch'Allah. Malgré que des fois les livres de réfutation, c'est des livres très bénéfiques, mais qui sont peut-être pas toujours adaptés au format de leçons ou des cours, hein. C'est des livres qui sont bénéfiques, mais plus yani, bénéfiques lorsqu'on les traduit à l'écrit que lorsqu'on les traduit à l'audio, même si on peut le faire également, mais on verra, Inch'Allah. D'accord? Khair, Inch'Allah. Donc, cher Al-Fawzan, il explique ici, il dit que les différentes sortes d'adoration sont nombreuses. Hein? Ça veut dire que autant qu'il y a de formes d'adoration, autant qu'il y a des formes de shirk. Hein? Parce que toute forme d'adoration qui est légiférée par Allah, si cette adoration-là, tu l'offres à autre que Allah, c'est une forme de shirk. Donc, si tu regardes toutes les formes d'adoration qui existent, dans les adorations, il y a, par exemple, l'obéissance, hein? Il y a l'amour, il y a la crainte, il y a l'espoir, il y a at-tawakkul, la confiance, le fait de mettre sa confiance en Allah. Il y a al-raja, il y a al-du'a, hein? Et ainsi de suite. Donc, sujoud, recours, toutes ces adorations-là, c'est des adorations qui ont été ordonnées, légiférées par Allah Azza wa Jal. Si quelqu'un les offre à autre que Allah, ça devient du shirk. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on dit, on peut dire shirk al-ta'a, shirk al-mahabba, shirk al-tawakkul, shirk, yani, shirk al-raja, shirk al-khawf, shirk al-tawakkul, et ainsi de suite. D'accord? Et beaucoup d'autres. Et le shirk, il donne comme exemple aussi le shirk al-talab al-baraka, le shirk de rechercher la baraka. Hein? Donc si tu la cherches d'autre que Allah, c'est du shirk, la baraka. Si tu cherches la baraka d'autre que Allah, c'est du shirk. Ou de croire que, hein, il peut y avoir aussi du shirk dans la croyance, par rapport à la croyance, hein? Donc il peut y avoir du shirk dans les paroles, il peut y avoir du shirk dans les actions, il peut aussi avoir du shirk dans la croyance, hein? Et la croyance, par exemple, le fait de croire que quelqu'un peut te ramener un bien ou te repousser un mal en dehors d'Allah, ça c'est du shirk, hein? Parce qu'on n'a pas le droit de croire que quelqu'un peut nous ramener un bienfait ou repousser un mal excepté Allah. D'accord? Donc ça c'est des exemples. Ensuite le cheikh il donne un autre point qu'il clarifie par rapport à qu'est-ce qu'on a expliqué au sujet du verset, des deux versets qu'on avait lus dans Surat Yunus, le verset 105 et le verset 43 dans Surat Ar-Rum. Allah Azza wa Jal, il dit dans ces deux versets-là, il y en a d'établir notre adoration, il y en a de façon pure et exclusive à Allah, en mettant notre visage droit sur la religion. c'est-à-dire de purifier notre religion pour qu'elle soit nettoyée et purifiée de toute forme de shirk. Et le cheikh, il dit à ce sujet-là, il dit وَالْوَجْهُ هُوَ الْقَصْدُ وَالنِّيَّةِ بِمَعْنَ التَّوَجُّهِ أي أَقِمْ تَوَجُّهَكْ وَقَصْدَكْ وَنِيَّتَكْ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc il dit le visage, quand Allah il dit d'établir ton visage ou de mettre ton visage sur la religion de la droiture, ça veut dire quoi le visage? Il dit le cheikh que ça veut dire l'intention, hein, et qu'est-ce que tu vises comme objectif, et le fait que tu t'orientes, hein. Donc ça veut dire établis sur la droiture ton intention, ton objectif et ton orientation vers Allah seul. Écarte-toi de tout ce qui est autre que Allah dans ton adoration. Et Al-Hanif, on a expliqué que c'est Al-Muqbil al-Allah, Al-Mu'arid an-ma siwahu. Donc Al-Hanif, c'est celui qui se tourne uniquement vers Allah et qui se détourne de tout ce qui est en dehors de lui. C'est ça Al-Hanif. Et Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Abraham, et c'est ça, le pur monothéisme, l'adoration exclusive d'Allah et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Il ne nous reste pas beaucoup pour terminer ce chapitre, mais on a fait déjà une heure, donc on va s'arrêter ici, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته